L'humeur de Guillermo Guizzi. En folie. Bonjour les amis. Non. Salut. Alors ce matin, je vais vous citer du Jean-Paul Sartre. Ah non, encore du foot et tout. Je sais que c'est risqué de citer du Sartre dans une équipe où le QI moyen dépasse rarement 89. Oh. L'année de naissance de Tom Villa et la taille en centimètres de Nagui. Alors cette citation de Sartre, elle est sur les enfants. Je la tire évidemment de la célèbre recherche Google, citation Sartre sur les enfants. Et ça dit, un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Ça devait être chouette de passer un réveillon avec Jean-Paul Sartre. Jean-Paul, toi, tu la connais, celle de deux marins dans un bordel? Non. Mais en revanche, je sais qu'un enfant est un monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Ok, Jean-Paul. Bon, il reste de la dinde, n'hésite pas. Resserre-toi si tu veux. Joyeux Noël. Hein. Ceci dit, bonne nouvelle pour Sartre, les adultes font de moins en moins de monstres avec leurs regrets puisque la natalité baisse. En France, en 2017, il y a eu 17 000 naissances de moins qu'en 2016. Ce qui est lié à la crise, à l'arrivée de Christine Angot dont On n'est pas couché, et aux évolutions des politiques familiales. Oui, en fait, une natalité faible, si vous voulez, c'est l'expression de la mauvaise santé générale de la nation. C'est ce que je dis aux meufs quand je prends les râteaux en boîte. Je dis, c'est ça, garde ton numéro de téléphone et participe à la mauvaise santé générale de la nation. Espèce d'égoïste peu patriotique qui fait le jeu du FN. C'est comme ça que j'ai chopé Leïla, finalement. C'est l'avantage avec les filles de gauche. Hein. Tout pour contrer la bête immonde, finalement. Mais les chiffres de l'INSEE sont significatifs. En 2016, on était à 1,92 enfants par femme. En 2017, on n'était plus qu'à 1,88 enfants par femme. Alors que chez les hommes, honnêtement, c'est plus constant. On est passé de 0 enfant par homme en 2016 à 0 enfant par homme en 2017. Ça, c'est l'avantage quand t'as pas d'utérus. On peut te reprocher ce que tu veux, balance ton porc, Christian Clavier, ce que tu veux. Mais la baisse de l'anarité, c'est pas nous, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça sent que les gens n'aiment plus faire des enfants, non? Vous trouvez pas? Avant, tu croisais des filles enceintes et c'était toute contente. Aujourd'hui, tu croises une fille enceinte, tu lui dis alors ce bébé, c'était voulu. Qu'est-ce que tu veux? Il est là, on va pas le taper dans les toilettes d'un planning familial, quoi. C'est comme ça. Hein. Il y a 5 ans, c'était la fête. La fille te faisait, mais c'est vrai, elle te faisait, on va avoir un enfant, on va tellement l'appeler Mathéo, etc. Aujourd'hui, elle te fait, on va avoir un enfant, on va tellement l'appeler Luc. Il y a vraiment un truc, tu sens que les gens sont plus heureux, quoi. Ceci dit, les enfants, ça reviendra peut-être à la mode, je sais pas, comme les CD et tout, tu vois, les pantalons en couilles, on sait jamais. Mais moi, j'en ai pas encore. Mais ça m'arrivera peut-être un jour, on sait jamais, on peut pas faire 100% confiance au caoutchouc non plus. Mais sincèrement, c'est vrai. Sincèrement, moi, ça commence à faire tard. Pour moi, j'ai 36 ans. 36 ans, à ce rythme-là, je ferai un môme tellement tard que sa mère sera obligée de changer nos couches en même temps. T'imagines? Trop sympa, la petite souris, elle est passée pour ta dent et celle de papa. Moi, je tergiverse. Comme beaucoup de Français, j'attendais d'être prêt financièrement, etc. Là, je fais une chronique par semaine sur Inter, c'est chaud pour entretenir une famille. En l'état, j'ai juste de quoi nourrir un prématuré pour le moment. Ça va venir. Hein. C'est un truc très humain, finalement, d'être prêt, d'attendre d'être prêt pour faire des gosses. Je crois que les canards, ils attendent d'être prêts pour faire des gosses. T'as déjà vu un canard qui va chez sa canne qui fait oui, je préfère qu'on attende qu'on ait une mare à nous. Tu vois, en plus, professionnellement, là, je suis un carrefour, là, j'ai une opportunité en tant que community manager de mon étang. Enfin, tu vois. Là. Non, un canard, ça canne utile, hein. Un canard, tu vois, ça fait des enfants. Ça, c'est vrai, ça canne utile, c'est vrai, il faut connaître. En même temps, ça canne utile, un canard. En même temps, les canard. Il y a jamais un gosse canard qui se roule en boule dans un supermarché parce qu'il a pas eu le DVD de la Reine des Neiges. Tu vois, ils ont des chouettes enfants, les canards. Ils ont pas de mérite. Mais la bonne nouvelle de l'étude, c'est que le seul 13 positif, 767 000 naissances et pour 603 000 décès seulement en 2000. 603 000 décès, je trouve que c'est beaucoup. Honnêtement, en 2016, je croyais qu'il y avait juste Johnny qui était mort. Moi, j'avais vu les médias et tout, je pensais qu'avec lui. Et vraiment, et ça, et 603 000, c'est beaucoup et ça va aller en s'aggravant en plus, figurez-vous, parce que la génération de Daniel Morin, ce qu'on appelle les baby boomers finalement, qui sont nés entre 46 et 48, quand les parents de France se consolent encore de l'échec de la Grande Allemagne. Mais il commence à fatiguer un peu, regardez une gastro mal soignée, c'est directement le rite funéraire, c'est comme ça. Tout va, Daniel. Et voilà la preuve. Allez, bonne émission, les amis. Bravo, Guillermo Guizzi. La bande originale.